pour affronter ma rage. Et je creuse jour après jour de mes empreintes et de quoi je m'agoure. Bientôt sera la fin de ton deuil, quand il ne restera plus rien de mon cercueil. J'ai la date d'avancer mon carrosse, j'ai rendez-vous, ma dernière noce. Sens-tu l'odeur du festin qui s'annonce? Sois rassuré, j'en laisserai pas une once. Non, pas une once. La terre est encore fraîche, comme la haine qui m'anime. Je trouverai la brèche pour sortir de l'abîme. Et quand mes doigts enfin ne rencontrent plus rien, je sens mon corps livide, soudain devenir avide. J'ai la dalle, avancer mon carrosse, j'ai rendez-vous, dernière noce. Sens-tu l'odeur du festin qui s'annonce? Sois rassuré, j'en laisserai pas une once. Non, pas une once. De moi, peut-être parce qu'il n'existe pas, pas de tunnel ni de passage, aucun être d'un autre âge. Mais moi je viens te chercher, je serai ton démon à ma beauté. Toi et moi ne ferons plus qu'un, une voix unie dans mes intestins. J'ai la dalle, avancer mon carrosse, j'ai rendez-vous en dernière noce. Sens-tu l'odeur du festin qui s'annonce? Sois rassuré, j'en laisserai pas une once. Non, pas une once.